Au mois de février, qui suit cette rencontre aux Tuileries, Denise est réembauchée au Bonheur des Dames avec un salaire plus élevé. Près de 2 ans et demi se sont écoulés depuis qu'elle a découvert le Bonheur des Dames pour la première fois.